Merci, merci infiniment au professeur Jean-Paul Mbele qui, et on va ressortir définitivement de ce sujet avec vous, président Malakani. Le Sahel regorge de normes en jeu. Aujourd'hui, on a une alliance qui est assez visible. On va monter d'un cran, une alliance qui est assez visible. Et pour les uns et les autres, d'ailleurs, on voit le plan qui est mis en place par l'ONU, puisque eh bien, cette organisation est convoquée pour essayer d'armer autant que cela est possible, véritablement, le Niger, parce que, disent-ils, il faille absolument lutter contre le terrorisme. Et nous connaissons, bien entendu, le plan qui s'y cache, ou alors les objectifs inavoués. Est-ce qu'aujourd'hui, cette alliance stratégique, bien qu'elle soit stratégique, comme le veut dire l'intitulé de notre programme, est tout aussi solide pour véritablement vaincre toutes ces dérives qui sont, bien entendu, observées, observables au sein du Sahel? Pour répondre à cette question, mon cher Fabrice Ndoum, il faut voir d'où on vient. Quand on ne sait pas faire la proportion de d'où on vient, quand on est dans une crise, on ne peut pas analyser la valeur des pas de redressement. On ne connaît pas donner de la valeur au premier pas de relèvement. Le premier pas qui apporte des solutions à une crise dans laquelle on est plongé depuis très longtemps. Je comprends la colère, même pas la question d'interpellation avec mon frère, notre frère d'acier. Parce que moi, je ne veux pas insister sur d'autres choses. Moi, je veux parler avec mon frère d'acier. Il faut faire extrêmement attention. Le problème de l'Afrique, ça a toujours été les divisions. J'ai dit, l'Occident excelle, maîtrise l'art d'opposer l'Africain aux Africains. Et tant qu'on ne réfléchira pas à surmonter ça, on n'avancera pas. Même si on prend des grands airs de savants, même si on a toute la solution. Les problèmes fondamentaux de Burkina et de Mali, ce n'est pas de restaurer les cultures passées. C'est de sécuriser leur territoire. Parce que sans sécurité, une culture ne vit pas. Est-ce qu'il faut rappeler ça à quelqu'un? Est-ce que c'est trop compliqué à comprendre ça, hein? La question est simple. Quand les terroristes sont arrivés, où étaient les cultures là pour le Burkina Faso? On vient d'un pays qui, toute la moitié, les populations sont rentrées, ils mangent des racines d'arbres. Traoré à quel âge? Traoré à quel âge? Comme Traoré, il a quel âge? 34 ans. Mais avant, lui, où étaient les autres? Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas venir dire au milieu. C'est ça qui est terrible. On avance dans un combat. Les gens ne veulent pas s'impliquer en disant que non, tant qu'ils ne rentrent pas dans la culture ancestrale africaine, c'est un faux combat, ça ne nous regarde pas. Autrement dit, quand ils vont demander la culture africaine, ce sont des vrais combats. Vous avez quelle preuve de ce que vous affirmez? C'est basé sur quoi? D'autant plus qu'avant que l'islam n'arrive, cette culture était encore puissante, mais ils n'ont pas résisté à l'islam. Est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Est-ce qu'on peut raisonner un peu pourquoi les cultures n'ont pas résisté à l'envahissement étranger? Mais dès que vous soulevez ça, on va vous tuer, hein? On va vous tuer. Mais il faut soutenir cette dynamique-là. On revient de loin. Le Sahel était colonisé par les Occidentaux. Le Burkina était à terre. Avec toutes ses richesses culturelles, personne n'a rien dit. Maintenant, des gens sont là pour avancer. Au lieu de mettre la main ensemble, on leur donne des leçons. Mais il faut quand même qu'on soit. Il faut un peu d'humilité quand on mène un combat. Il faut quand même. Apprenons à travailler ensemble. Apprenons à travailler ensemble. J'ai un respect profond pour le doyen Doumbé Fakoly. Il le sait lui-même, on se connaît bien. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'on ne l'a pas mis en prison pour le protéger? Qu'est-ce que vous en savez? Au regard de ce qui se préparait contre lui là-bas au Mali. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, j'ai essayé d'enquêter cette affaire. Souvent, c'est tout de même plus pour le protéger. Même si aujourd'hui, vous ne réglez pas la question de l'islam au Mali par un coup de baguette magique, vous voulez faire un génocide là-bas, culture, vous allez faire comment? Il faut du temps, il faut de la patience. Entre-temps, on fait comme ça. On essaie de mettre ensemble ce qui n'a rien ensemble, pour parler comme vous, pourvu qu'on avance et qu'on sauve l'essentiel. Alors, lorsque vous, dans un pays, je ferai de la pédagogie simple, là maintenant, c'est-à-dire que comment on appelle ça, les héritages culturels sont là, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso. Même s'il y a les religions que vous appelez religions étrangères, il y a encore des endroits dans ces différents pays-là où les cultures sont, entre guillemets, sauvegardées, conservent une certaine pureté. Mais qu'elles s'expriment et qu'elles prennent les devants et que ceux qui le sont, et que les moins aliénés, les plus aliénés ne soient pas devant. Mais comment est-ce que vous êtes là et c'est les plus aliénés qui sont devant vous? C'est une question fondamentale. C'est-à-dire que si les plus... Par exemple, moi j'aurais aimé que mon frère Dassi soit devant toutes les dynamiques révolutionnaires au Burkina Faso. qu'il soit en première ligne devant, c'est-à-dire que du haut de sa science culturelle, de sa pureté culturelle, il soit devant. C'est comme ça que les autres, ils sont derrière lui et comme ça, ils montrent le chemin. Mais quand le pays fait face à des problèmes, on ne voit pas les dépositaires des hautes valeurs culturelles. On ne les voit pas. Maintenant, quand il y a une dynamique qui émerge, les gens vous appellent, vous donnez des leçons à ceux qui sont là, vous les disqualifiez même, vous hésitez à les accompagner, oh, ils ne sont pas purs, ils ne sont pas rentrés à la culture africaine. Mais attends, non, c'est un peu. Ne faisons pas des enfantillages. Moi, je me rappelle ici à Afrique Média, parce que je vais l'appeler certains choses pour vous dire comment est-ce qu'on vit cette africaine toujours. Nous avons lancé ce combat sur ce plateau. Le combat a pris. À un moment donné, certains de nos frères, sous la bannière soi-disant Afro-Santé, sont arrivés ici. Au lieu qu'on se donne la main pour combattre, ils ont voulu nous chasser d'ici. Et c'est obligé de rappeler ça. Moi, j'ai pris beaucoup de la hauteur pour éviter qu'il y ait un clash ici. J'en sais même pas le prix qu'on a payé ici pour éviter qu'il y ait un clash. Ils venaient nous chasser ici. On est le mec, on est qu'on combatte ensemble. On dit non, non, vous là, vous n'êtes pas purs. Il y a parmi vous les chrétiens, il y a les gens qui croient en l'islam là. Vous adeptes des religions étrangères, vous pouvez mener le combat. Il faut nous chasser ici. Il faut chasser les autres. Tant que vous n'êtes pas rentré dans vos villages, vous faites initier. Quand vous lavez avec les coqs, et on vous purifie pour que vous retrouvez votre africanité pure. Vous n'êtes pas qualifié pour faire le combat. Il a fallu qu'on prenne de la hauteur pour éviter les divisions. Ce n'est pas le seul cas. Je me rappelle une conférence, il est vivant, professeur Bobasson. D'ailleurs, il le connaît très bien, tu peux lui demander. Et je lui rends hommage. Certains soi-disant afro-centristes ont organisé à l'hôtel Sawa un combat de coq entre moi et lui. Et regardez les Africains. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un combat, ça bouille sur le continent. Non, les gens organisent un combat. Il faut que Bobasson vienne écraser le président Balakani dans un débat pour montrer que Balakani ne vaut absolument rien. Ademli Bobasson a dit, je ne viens pas. Je refuse ça. Il est vivant. Hein? Il est vivant. Hein? D'ailleurs, je le connais très bien. Il est vivant. Parce que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais les gens nous regardent. Vous croyez que les Chinois n'ont pas les contradictions? Même en Russie, il y a des contradictions. Et si les Blancs n'ont pas les contradictions? Ils en ont plein. Ils en ont plein. Mais ils savent les gérer. Ils savent les gérer. Depuis plus de 15 ans, le Mali, un pays comme le Mali, est à terre. Il avait tous les savants là, les gardiens des traditions étaient là. Ils étaient là. Personne n'a rien fait. Mais Assimi Goïta arrive. Ces gens-là arrivent, ces jeunes-là, cette équipe de colonels-là, redonnent de la dignité à un peuple. Et vous venez leur dire que non. Écoutez, vous ne foutez rien. La première chose qu'il y a à faire, il faut chasser tous les gens qui croient à l'islam, couper leur tête, et comme ça, le combat va avancer sérieusement. C'est sérieux ça. Hein? Là, c'est sérieux ça. Pourquoi on est obligé de faire comme ça? Ça peut se régler autrement. Ce sont des contradictions qu'il faut. Ce n'est pas la priorité parce que si je veux vivre ma culture, il faut qu'il y ait la paix autour de moi. Une culture se donne les moyens militaires de sa préservation et ensuite de sa promotion. Si le Mali est sécurisé, oui. Si le Mali est sécurisé, oui. Mais avant que les Russes. Moi, je répète, sans les Russes, le Mali serait à terre. Le Mali serait aujourd'hui une colonie française. Elle était déjà de fait. Quand Macron arrive au Mali, il convoque Ibeka à Gao, c'est fini ça. C'est le stade suprême du mépris. Les colonels sont arrivés là. Ils se battent là. Ils redonnent de la dignité, non seulement à leur pays, mais à toute l'Afrique. Pareil pour le jeune capitaine de Burkina Faso, un grand monsieur. Comment? Il est en train de rejeter les bases de l'espoir dans son pays. Il fait ce qu'il peut. Donnez-lui la main. Allons ensemble avec lui. Apportez-lui les conseils intelligemment, ne donnez pas de leçons, ne le méprisez pas, parce que vous vous asseyez sur la chaire supérieure de la détention du savoir culturel africain. Mais arrêtons un peu ça, soyons sérieux. Un peu d'humilité dans la connaissance, dans les rapports. Quand on parle de connaissance, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. C'est comme si on se tendait des pièges. Quand tel en train d'avancer, on regarde, on cherche le pouce sur sa tête. Il croit aux ancêtres. Est-ce le même vrai africain? Quelle est même sa religion? Mais tout ça, les gens croyaient un truc après, mais ils abandonnent ça, ils avancent. C'est une affaire de connaissance. Vous avancez, vous réglez ces choses-là. Maintenant, il faut qu'on fasse des guerres de religion en Afrique. Même les Blancs ont fait ça entre eux, ils ont réglé ça. Ils ont compris que pour avancer, il faut régler ça. Ils ont compris. Moi, je pense que si les gens comme les Dassiers qui possèdent le savoir culturel, mais organisez-vous en société secrète, au sens noble du mot, produisez des choses qui seront incontournables pour des gens qui n'ont pas la culture. Et ils seront obligés de s'en servir pour faire des choses. La révolution industrielle en Angleterre, ça n'a pas, été le fait de l'État, ça n'a pas été le fait des monarchies, ce sont des sociétés organisées, les sociétés secrètes bourgeoises, qui ont déclenché le phénomène, ça s'est imposé, et ils ont conquis les États. Ils ont renversé la monarchie, ils ont conquis les États. Donc, ce n'est pas cette affaire que quelqu'un commence quelque chose, les combats sont en train de commencer, les combats sont engagés. Nous venons créer les contradictions là où il y a les dynamiques de progrès qui s'amorce. Quand les dynamiques réactionnaires de défaite, on se tait, on ne dit rien. Dès que quelqu'un arrive et commence à changer les choses, on m'a dit que non, vraiment, voyons voir si ce qu'il est en train de faire là est conforme à la culture africaine, machin et consommer. Attends, il faut arrêter ça. Il faut qu'on soit sérieux. La culture africaine, ce ne sont pas les grimaces, ce ne sont pas les gestes répétitifs. La culture africaine authentique, c'est la science, ce sont les mathématiques, c'est la philosophie. Tout ça, c'est la culture africaine. C'est ce que les Blancs sont venus voler. C'est avant ça que nous avons volé. Avant de voler les histoires de religion, de prendre les histoires de tous les gestes, les patrimoines artistiques, ils ont d'abord volé les sciences, la philosophie. Ils ont volé ça. Ça, c'est les Africains qui construisaient, ils réfléchissaient, ils pensaient. Nous devons réfléchir en utilisant notre patrimoine. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il faut réfléchir. Si on n'est pas en mesure d'être ensemble et que ce soit ce que j'appelle des contradictions vraiment secondaires qui nous divisent. Mais on n'avancera pas. On ne bougera pas. Maintenant, si on en a cette logique, c'est mon cher Fabrice, il faudra observer, bon, maintenant, à partir de maintenant, avant de dire que, comment il s'appelle le président de la transition malienne? C'est un musulman, non? C'est pas un musulman. Bon, il n'est plus un panafricaniste. Chassons-le. Non, coupons sa tête, il n'est pas panafricaniste. Comme il est musulman, il ne fait rien de bon. Tout ce qu'il fait là, c'est rien du tout. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'est pas retourné se replonger dans l'authenticité de la culture multimillénaire du Mali. Donc, Assimi Goïta, vraiment, à partir d'aujourd'hui, on ne lui apporte aucun soutien. Bon, tout ce qu'il fait là, ça n'a pas de sens, ça ne vaut rien. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? D'ailleurs, qu'est-ce que vous en savez des vraies pensées des gens en termes de religion? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je pense qu'il est important d'éviter ce type d'attitude qui peut, à mon point de vue, intoxiquer les dynamiques qui sont en cours. Il faut construire des ponts de convergence puissantes. Je pense que la preuve que nous sommes les dépositaires de l'ancienneté de l'humanité, ça serait aussi la capacité à s'asseoir et à bâtir des vrais ponts de convergence pour surmonter les contradictions et marcher la main dans la main. Aujourd'hui, Assimi Goïta apporte quelque chose. On s'en fout de sa religion. Je ne sais même pas ce qu'il en fait lui-même réellement. Qu'est-ce que vous en savez? Mais qu'est-ce qu'il nous apporte aujourd'hui, Assimi Goïta? On voit la différence. Il fait rêver tous les Africains aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Vous croyez, par exemple, prenez... Moi, les gens m'ont dit... Il y a des gens qui me disent que, mais président, tu sais, ils n'ont même pas vérifié. Toi, dire, c'est un franc-maçon, ça ne vaut pas la peine de le suivre. J'ai dit, bon, à la télé, il m'a apporté la preuve. J'ai dit, mais voilà exactement ce que ce monsieur pose là. Voilà ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est président. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Même les propres frères qui sont francs-maçons, on fait quoi? On les tue. Moi, de ma famille, j'ai des propres frères qui sont francs-maçons. On s'assoit, on cause, on discute. Mais il sait très bien, il connaît ma position sur la question. Mais quand tu as des sujets d'intérêt commun là, on marche main dans la main. On règle ça indépendamment. Et on réussit à faire des choses souvent. On fait des choses. On réussit à faire des choses. Je prends par exemple comme ça. Mais sinon, vous savez, on va entrer dans une guerre de 10 000 ans consistant à purifier et à purger les Africains de tout ce qui vient de l'étranger en eux. Vous allez passer 100 millions d'années à faire ça, vous ne voulez pas réussir. Parce qu'on oublie aussi que la religion, tout ça, ça dépend aussi de l'environnement, du contexte historique, du contexte économique. Il y a un ensemble de choses qui entrent en scène et qui font qu'aujourd'hui, quelqu'un peut décider aujourd'hui d'être ceci, demain, il n'est pas ça, etc., etc. Vous comprenez? Donc, nous, sachant d'où nous venons, Fabrice Zom, sachant qu'il y a 6 mois, le Mali n'existait pratiquement plus, et qu'aujourd'hui, les Maliens sont fiers. Quand je sais qu'il y a 2 ou 3 mois, le Burkina Faso de mon frère était à terre. Sous la gouvernance de... Était à terre. Il y avait des villes qu'on ravitaillait en hélicoptère. Je vous dis que le pays était à terre. Aujourd'hui, même Dassé est obligé de connaître qu'il y a des mouvements, ça bouge. ça bouge. Vous ne dites pas maintenant, allons directement à l'Union. Non, ce n'est pas un décret. Ce n'est pas un décret. Il y a les dynamiques qui sont contre ce qu'ils sont en train de faire. Quitter la CEDEAO, mais c'est ce que nous on dit ici. Mais en même temps, moi, la différence avec certains, c'est que moi, j'ai ce que j'appelle le souci du concret. J'ai appris ça. C'est mon parcours qui m'a appris à faire ça. C'est-à-dire que quand je suis assis ici, quand je parle ici, je n'ai aucune contrainte d'un homme qui est en responsabilité au CEDEAO. Je vous avais dit ça souvent. On n'a pas la contrainte. Quand on est assis là, on n'a aucune contrainte. Hein. On parle seulement. Mais quelqu'un qui a la responsabilité a des contraintes que moi, je vous, on n'a pas. Et quand vous le dites, ok, allez à l'Union maintenant. Mais c'est un slogan. Ça va vous conforter quand vous êtes assis à la télévision. Au contraire, vous avez bien parlé. Mais après, il n'y aura rien. Parce que c'était facile. Vous-même, vous quitterez la télévision, vous allez faire ça. Vous allez pratiquer. Vous voyez que c'est pas facile. Donc, ce qu'ils font là, vous avez vu dernièrement, attendez, c'est important que j'explique ça. Dernièrement, oui, je suis en train de terminer. Dernièrement, vous avez vu, dès que l'idée ACMA était émise, vous avez la réaction de la CEDEAO. Vous vous rappelez, non? Elle le faisait, qui a dit que ça n'aura jamais lieu ici. Oui. Et c'est un noir. C'est pas un blanc, c'est un noir. Quand M. Ambalo dit ces bêtises qui dit les pétitions là, il parle au nom de qui? C'est son chef Macron qui lui dit comme ça. Moi, j'ai plus envie de parler. Quand il parle, ça m'expose trop. Va parler. C'est pour ça qu'on l'a reçu à l'Elysée. C'est un deal. Ambalo, c'est un noir. Il a la peau noire. Et il est en train de freiner une dynamique de libération. Assimi Goïta, il doit faire avec ça. Il doit faire avec les Ouattara. Il doit faire avec les Bazoum du Niger. Tous ces gens-là. Vous croyez que c'est facile? Il doit même faire avec certains Maliens que la France soudoie et paye pour faire la démocratie de bavardage et de trahison. Pour faire tout ça. Il tire sur un terroriste. On dit que non, c'est pas un terroriste. Prouve d'abord que c'est un terroriste. Voilà, monsieur, le capitaine a dit dans son discours l'autre jour. Il faut le suivre. Hein. Il vient m'acheter les armes, on ne lui vend pas. On dit qu'on ne vend pas les armes létales. Mais pourtant, ceux qui disent ça, disent en plein jour qu'ils sont ennemis des terroristes. Quand c'est dans leur pays, qu'on dit que tu es un terroriste, on te tue sans procès. Tu as un couteau, une arme blanche, on te tue sans procès. Mais ici, M. Traoré dit, mais comment? On n'est pas d'accord, on est tous d'accord que le terrorisme est mauvais, non? Moi, je dis que la guerre au terrorisme. Donne-moi les armes, on dit que non, on te voit pas voir les armes létales. Autrement dit, nous, vraiment, monsieur, ne tue pas un terroriste. Ça veut dire quoi? Ce sont nos amis, ce sont nos enfants. Tu ne les tues pas. On ne donne pas les armes létales. C'est ce qu'on a fait à toi d'aller en Centrafrique, c'est ce qu'on lui fait jusqu'à présent. Vous croyez que c'est facile pour ces gens? C'est facile pour ces gens? Donc, à un moment donné, il faut que nous, les Africains, on sache ce que nous voulons. Il faut savoir ce que nous voulons à la fin. D'accord. Merci. Merci infiniment à vous, très cher monsieur, pour vos contributions. Et nous, on va... Afrique Média, le monde, c'est nous.